Et top, il est 11h, la radio Radiosine, l'avant-dernier jour du festival, on est samedi 20 avril, on est ravis, jingle Antoine, s'il vous plaît. Jingle. Radiosine. Est-ce une radio? Est-ce un fanzine? Est-ce un radis? Est-ce une usine? Le saurons-nous un jour? Peut-être demain, on va réfléchir. Oui, très bien. Bonjour Emma. En parlant de réfléchir, bonjour Antoine. Oui. Réfléchir comme le miroir. Oh mon Dieu, oh, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est la non, enfin, je... oui, c'est ça. Encore mieux. Allez, trois on respirations. Respiration. Waouh. La thématique Merci. Du souffle, encore une fois, bien présente sur l'antenne de Radiosine. C'est une cohérence, ça me pareil. Alors, aujourd'hui, fou là là, dis donc, c'est un matin un peu particulier, voilà, mais on est vraiment ravis. Antoine, tu vas comment? Ça va plutôt. La météo est un petit peu maussade, mais il me semble que le temps va un petit peu s'éclaircir aujourd'hui. C'est bien. Oui, c'est bien. On s'en réjouit. Oui, on s'en réjouit, oui, tout à fait. Le marronnier va a l'air de le toujours bien aller. Le marronnier est toujours magnifique. Oui, c'est ça. Et voilà. Et eh bien, c'est super. Et toi, Emma? Écoute, moi, je me sens dans le cœur sensible, mais ça va, c'est beau. Et je crois que tu avais une bonne nouvelle à nous partager. Ah oui, on fait déjà ça? Moi, j'aurais dit qu'on balançait un archivant direct. Alors, on balance un archivant et on pense à la bonne nouvelle. On se réjouit de la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Très. C'est moi qui fais ou aujourd'hui, c'est toi? Allez, c'est moi. Allez.